Radiomatique. Have the music, Lila. Transmission 392 d'Audiomatique s'ouvrait sur la musique de Tricky with DJ Muggs and Grease et leur pièce Hot Like a Sauna, se retrouvant sur leur album collaboratif Juxtaposé, paru en 1999. C'est la musique du projet américain Synergy qui assure maintenant la continuité à Audiomatique. Audiomatique, nous entendions la formation norvégienne Bell Canto de son premier album White Out Conditions, sorti en 1987. Nous vous avons présenté la pièce-titre. Précédemment à Bell Canto, et ce qui amorçait par le fait même cette séquence musicale, c'était le projet américain Synergy, mené par Larry Fast, nous interprétait la pièce Steam and Steel Towers, qui est parue sur son album Metropolitan Suite, également lancé en 1987. Allons-y maintenant avec une composition tirée de la trame sonore du film The Fountain. Thank you. Audiomatique, nous venons d'écouter la formation Sigur Rós et sa composition Sinter Kibbutz Opinberum Frelsarans, apparaissant sur le premier album Von, sorti en 1997. Avant cela, le Kronos Quartet et la formation Mogwai nous interprétaient la pièce Death is the Road to R, tirée de la trame sonore composée par Clint Mansell pour le film The Fountain, réalisé par Darren Aronofsky. C'est maintenant au tour du groupe français Magma de se faire entendre à Audiomatique. Stop. drunks to keep sober and tell them the hills are bites, but don't tell them there's nowhere to hide. Offert à Audiomatique la musique du groupe suédois True Moon. De son premier album homonyme paru en 2016, nous avons entendu la chanson Guns. Avant, c'était le groupe français Magma, mené par le batteur Christian Vander, et la pièce Orts für den Sticken West, qui se retrouve sur son troisième album Mechanic Destructive Commando et qui est paru en 1973. Le langage utilisé dans les pièces de Magma est le Kobayan, un langage inventé des habitants de la planète fictive Kobaya qui fait partie de l'univers musical de Magma. C'est avec Militia, un groupe belge qui se définit comme étant éco-anarchiste, que se terminera cette transmission d'Audiomatique. La pièce que nous allons entendre, des Mark the Path, tirée de l'album Everything is One. Nous vous donnons bien sûr rendez-vous mercredi prochain dès 17h pour une autre transmission d'Audiomatique. Soyez attentifs au contenu que nous publions sur nos plateformes facebook.com/audiomatique-cfou et mixcloud.com/audiomatique si jamais vous êtes intéressé à entendre ou réentendre nos anciennes émissions en balado-diffusion. Alors voici pour terminer Militia et They Mark the Path. C'était Audiomatique avec les sonoristes.